On va parler de course automobile ce matin sur les ondes de danradiosport.com et sur toutes les plateformes YouTube également, YouTube, Twitter, Instagram et ainsi de suite, avec Raphaël Lessard qui va débuter sa saison vendredi. On le rejoint à Mooresville, en Caroline du Nord. Salut Raphaël! Ouais, salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Première fois que tu me vois, moi je te vois, ça fait plusieurs fois, là, je te connais très bien, puis je trouve que. Mais moi, toi, c'est la première fois que tu vois ma grosse face de cochon. Fait que c'est bien correct. C'est bien correct, pas de trouble. C'est bien correct, Raphaël. Si on y allait d'abord avec depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais signé avec GMS Racing. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des essais privés? On n'a pas entendu parler du tout. C'est sûr qu'avec la COVID. J'imagine que tu as eu moins d'essais, mais as-tu eu l'occasion de t'un peu familier avec la camionnette? Non, pas vraiment, parce que NASCAR sont très stricts avec les essais avec la camionnette. On peut pas aller faire des essais, surtout depuis que la pandémie, ils ont tout arrêté les essais. Il va y avoir des essais jeudi soir, alors demain soir, avant la course. La première course de la saison est vendredi, le 12 février, vendredi soir, puis jeudi, la journée avant, on a des pratiques le soir. On a une pratique d'une heure pour essayer la camionnette, voir si tout est correct. Mais les autres courses, comme c'est là, il va y avoir quelques-unes qui vont y avoir des pratiques, mais on n'est pas sûr encore c'est lesquelles. Les autres vont être comme l'année dernière, pas de pratique, pas de qualif. Ça va être une saison Encore bizarre. va pas falloir se fier aux pratiques. Et Raphaël, est-ce qu'il y a une différence pareil? Parce que là, tu as changé d'équipe, GMS Racing et également Kyle Busch. T'entrevois-tu une grosse différence sur la piste? J'imagine, bon, d'abord, c'est ta tête, ton nouveau crew chief et ainsi de suite, mais la communication, ça tu es capable de le travailler. Mais en piste, là. J'imagine qu'il ne faut pas s'attendre aux premières courses, étant donné qu'il n'y a pas d'essai. Il ne faut pas s'attendre à des grands miracles, étant donné encore une fois, cette limitation-là. Ah ben, tu sais, j'ai une année d'expérience derrière moi, Oui, ça. sans pratique. Mais le fait que tu Puis, changes de camionnette, ça doit être différent pareil, tu as une adaptation à ouais, faire. ben, c'est surtout la grosse différence, c'est la carrosserie. OK. Chevrolet, passer d'un Toyota à une Chevrolet. L'air, ben, l'air, l'aérodynamique, tout ça va réagir différemment. J'ai hâte d'essayer à Daytona sur un Super Speedway. Des fois, la bulle d'air va peut-être être plus dure à briser pour à se rendre au pare-choc de l'autre en avant. C'est des choses comme ça que j'ai hâte de pouvoir sentir puis pouvoir comparer les deux. Mais il faut que j'y aille avec pas d'attente. Faut que j'y aille avec. Faut pas que tout ce que j'ai appris avec un Toyota l'année passée, que je le mette sur le Chevrolet parce que peut-être ça ne marchera pas. Fait que Ouais, faut que c'est ça. j'y aille avec un petit peu. Regarde, je vais faire qu'est-ce que la camionnette va aimer. Puis, qu'est-ce que je vais apprendre à chaque tour? Puis, regarde, ça va être une nouvelle habitude à prendre à travailler avec une nouvelle équipe. Les gars ont l'air très excités de travailler avec moi. Chad Walter, mon co-chief. Tyler Mond, mon spotter. C'est des gars qui ont beaucoup d'expérience. Puis, je suis très content de travailler avec eux cette année. OK. Raphaël, dis-moi si on parlait un peu souvent en Formule 1, souvent également, j'ai plus en monoplace, il y a des changements année après année. Ça ne veut pas dire nécessairement parce que tu es la meilleure voiture une année, tu vas l'être l'autre année. Il y a des changements, il y a des en soufflerie et ainsi de suite. Est-ce que cette année, il faut quand même entrevoir que GMS Racing va être la meilleure camionnette sur le plateau? On va voir, je dirais que ils sont sur une très bonne lancée, un très bon momentum avec l'année dernière. Mais c'est sûr que NASCAR fait des changements chaque année. Sur un Super Speedway, on a le droit au libre de chaque côté dans le bas des portes, qu'on avait beaucoup plus longue que l'année dernière. Fait que ça va rendre les camionnettes beaucoup plus stables. Mais ça va être c'est différent de l'année passée. C'est sûr que la compétition est aussi bonne, si ce n'est pas meilleure que les dernières années, cette année. Fait ça va être dur, tu sais. Faut pas y aller puis penser que ça va être facile. Ça va être dur. On va tout donner puis on va travailler fort pour que tout se passe bien puis qu'on ait des bons résultats. Depuis le début, vraiment, c'était en janvier, début de 12, autour du 10 janvier que tu as signé GMS Racing. Donc, tu as eu l'occasion quand même de rencontrer des gens? Est-ce que dans l'ensemble, c'est bien passé dans l'acclimatation avec ta nouvelle équipe? Oui, ça s'est très bien passé. L'équipe est très, très, très, très professionnelle. C'est une équipe de haut niveau, tu sais. C'est une grosse équipe. Ils ont 5 camionnettes à temps plein, une voiture ARCA. Fait qu'on je suis content de faire partie d'eux. C'est comme une famille un peu, gars. Ils nous ont donné la chance d'aller pratiquer sur la terre battue 2 fins de semaine de suite, aller pratiquer sur la terre parce qu'on a deux courses cette année sur la terre. Fait qu'ils veulent qu'on soit prêts. Et je travaille avec Josh Wise dans le programme de Driver Edge Development. Et c'est un gars qui travaille avec des gars comme Kyle Larson, Kurt Busch, Alex Bowman, Tyler Reddick, des pilotes de NASCAR. Fait que c'est le fun d'être bien entouré comme ça. Puis je suis très content d'amener jusqu'à date de qu'est-ce qu'ils me font faire puis le programme que je suis dedans. Raphaël, tu vas courir, t'es la meilleure, avec la meilleure équipe du plateau, la meilleure camionnette, mais est-ce que c'est sûr que tu as trouvé le financement, c'est toujours l'année de la guerre en course automobile, mais est-ce que tu as quand même est-ce qu'on peut te voir au moins une course ou deux cette année dans la deux? Parce que là, maintenant, il va falloir passer à d'autres choses à un moment donné, là. Si tu veux atteindre la coupe à un moment donné, c'est l'objectif principal de la carrière de Raphaël Lessard, au moins faire une course ou deux dans la. C'était La NASCAR, XPT. pardon, la Infiniti, oui, c'est ça. Je me mêlais avec la Busch Series et la Nationwide, mais c'est l'Infiniti maintenant. Est-ce que tu penses que cette année, l'objectif de faire une course ou deux en Infiniti pour prendre de l'expérience? Tu sais, je veux dire, juste pour ça, tu sais, un gars comme Donald Teague le fait, lui, en fin de saison pour le trip, parce que c'est une possibilité de cette année, juste pour monter à un autre niveau, là. C'est sûr que regarde, on regarde les options toujours. D'acheter un volant, genre, pour une course ou deux, là, juste pour voir. Oui, mais c'est sûr que ça serait vraiment plaisant d'avoir l'opportunité. Ça dépend toujours des partenaires. Ouais. Cette année, Canac est toujours avec moi, Quincaillerie Richelieu. Puis tu sais, c'est tous des partenaires qui rendent ça possible pour moi. Puis on est toujours à la recherche de d'autres partenaires pour finaliser notre budget en camionnette. Fait que on espère pouvoir en annoncer d'autres, mais le focus est sur la camionnette présentement Oui, c'est pour sûr, pouvoir c'est finir la normal. saison. C'est sûr qu'avoir un bonus, pouvoir aller courir avec un outil, prendre de l'expérience là, voir un peu comment c'est. C'est sûr que oui, parce que ça serait sûrement la prochaine étape. Parce que On aimerait ça, mais ça prend des partenaires, ça prend du monde pour m'aider, Mais puis dans on ton plan de travaille fort pour carrière, ça. Raphaël, je sais que toi, ton plan de carrière, c'est de te concentrer sur la course automobile et avec les autres, t'en adresses là. Mais est-ce que les gens qui travaillent autour de toi, c'est vraiment un objectif, là, tu dois en entendre parler pareil, de te faire courir une course ou deux? Est-ce que tu n'entends parler un peu? Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un but. Il faut en avoir des buts. Puis Ouais. ça, c'est un but. Mais comme j'ai dit, on travaille pour finaliser la saison en camionnette. Mais regarde, je suis content que la saison commence. Ça fait Ouais. longtemps qu'on l'attend. Puis si on peut, le but, c'est je vais tout donner. Je vais essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles pour exciter les gens autour de moi, pour apporter du monde, pour me supporter encore plus. C'est ça que ça prend. Ça prend un bon début de saison pour exciter le monde autour de moi, puis avoir encore plus d'engouement pour essayer d'amener nouveaux partenaires avec moi. La plus grosse différence jusqu'à maintenant que tu as vue entre GMS Racing et Kyle Busch, l'écurie que tu as l'année passée, c'est quoi? Je dirais que ça se ressemble beaucoup parce que, veux pas, Les deux équipes de pointe, là? les deux équipes, c'est deux bonnes équipes. C'est des équipes qui font leur châssis eux-mêmes, leur camionnette de A à Z, ils la font eux-mêmes. C'est sûr que GMS, c'est différent parce que c'est, comment que je dirais, c'est plus gros, je dirais. GMS, c'est encore plus gros. Ils sont 5 camionnettes à temps plein. Puis ils ont de l'air à quand même assez bien travailler en équipe. Puis ça, je suis très content de voir ça. Puis aussi, le Driver Edge Development Program que je suis présentement, je travaille avec Josh Wise. C'est ça la plus grosse différence. Je dirais que je passe beaucoup énormément de temps à essayer de m'améliorer en tant que pilote. Que ce soit, je travaille fort sur mon conditionnement physique. On va courir énormément dans le gym, mais c'est pas juste ça qu'on travaille. On travaille sur tout ce qui est qu'un pilote a besoin pour être meilleur, les réflexes. Aller faire du karting, aller passer le plus de temps en arrière du volant possible, que ce soit dans des kartings qui sont très, très performants ou juste des cartes de location Es-tu qui plus roulent moins exigeant vite. à date à être avec l'équipe de Kyle Busch ou l'équipe Parce que là, c'est une saison quand même un peu plus normale que l'année passée, là aussi. Je ne pense pas qu'il y ait une deuxième arrêt, là. Donc, tu ne peux pas comparer. Mais ce que tu as vu à date, c'est-tu plus exigeant, GMS Racing ou Kyle Busch, ça ressemble? Encore là, tu ne peux pas trop vraiment comparer parce que l'année va être pas pareille. Ouais, c'est ça, ça dépend. C'est sûr que c'est les programmes autour qui sont différents. Comme l'année passée, j'étais entouré pour tout ce qui était entraînement. Côté entraînement, j'étais bien entraîné. On avait un gym, un coach qui était très, très bon. J'étais très en forme, mais j'avais rien pour m'aider à m'améliorer en tant que pilote, pour travailler mes atouts en tant que pilote, travailler mes yeux, faire des tours à toutes les semaines au karting. Tu sais, là, je suis dans un programme que tout ça fait partie de m'aider à m'améliorer. Fait que c'est le fun parce que je regardais ça dernièrement, puis pour la saison morte, j'ai jamais été en arrière du volant comme ça, que ce soit d'un karting, que ce soit sur la terre battue en modifié. Le Grosse différence, simulateur. une piste normale et une terre battue, c'est-tu une grosse différence? C'est encore une plus grosse différence que courir dans un super speedway et une piste normale? Ah, oh ouais, la terre, c'est énorme. C'est très OK. différent, là. Ça se conduit vraiment pas pareil. OK. Surtout quand tu conduis des voitures qui sont faites pour aller sur la terre, ça se conduit. Faut vraiment que tu tasses les habitudes de l'asphalte, puis tu t'embarques complètement dans le monde de la terre. Mais c'est le fun. Moi, j'adore ça. En tant que pilote, j'aimerais ça être bon dans tout, être Ben. bon dans tout ce que j'embarque. Fait que c'est ça qui est le fun. Raphaël, on va te souhaiter une bonne saison encore une fois. On va te suivre de près. Ça commence vendredi soir sur un des deux RDS. Je ne sais pas si RDS 1 ou RDS 2. Ben, peu importe, vous pouvez voir ça sur le guide horaire. C'est à 20 h. Et ben, continue ta belle joie de vivre. Moi, ça me fait tellement triper, là, Raphaël, de voir que. On voit que tu es là pour les bonnes raisons. Puis continue ça. Puis continue également. Je pense que tu vas aller très, très loin. Un gros merci à toi, c'est très apprécié. Voilà le pilote de course de camionnette, Raphaël Lessard, qui va débuter sa deuxième saison en NASCAR camionnette vendredi.